Eh bien, 8h23 et après des mois d'attente, La Presse Plus a officiellement été lancé hier. C'est une nouvelle plateforme numérique pour le quotidien La Presse. Ça se passe sur le iPad. Si vous voulez tester l'expérience, vous devez posséder cette tablette numérique. Et disons que le quotidien La Presse fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Et on va en discuter à l'instant avec Patrick Dion. Il est auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Salut. Certains parlent de révolution, d'autres parlent de redéfinition, de la façon de s'informer. Et t'as assisté d'ailleurs toi-même au lancement, je crois. Oui, exactement. Mais en fait, au bout de 3 ans et 40 millions de dollars, ben la presse lançait finalement hier en grande pompe sa nouvelle mouture pour iPad. Donc, l'édition numérique est une version quotidienne du journal livrée chaque matin à 5h30 dans votre tablette. Donc, un petit camelot numérique, c'est cute. Mais c'est dommage pour ceux comme toi qui se lèvent tôt et voilà, parce que tu n'auras pas accès avant 5h30 à l'information via iPad. J'y aurais pas accès tout court parce que je n'ai pas d'iPad. Bon, voilà. Ben, c'est un petit peu le problème de tout ça. Hein. Environ... c'est 10 % de la population qui possède une tablette et la moitié de ceux-là possèdent un iPad. Et, je veux dire, il y a des tablettes comme Android, il y a plein de sortes de tablettes et c'est pas tout le monde qui a un iPad et malheureusement, cette version-là sera disponible uniquement pour iPad. Maintenant, qu'est-ce que c'est? L'information est présentée dans un environnement interactif et ça propose du contenu enrichi. Donc, il va y avoir de la vidéo, de la photo, des dossiers aussi. C'est justement une belle façon de fouiller un petit peu plus les sujets. On peut retrouver 5 dossiers approfondi sur un même sujet. Il va y avoir des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux journalistes. J'ai pas encore de nom pour l'instant, là, mais on annonce des nouveaux chroniqueurs et journalistes. J'ai vu Louis-José Houde sur le site web de La Presse. Ah, peut-être. T'as vu ça ce matin? Oui, oui, exactement. Ah, OK. Bon, moi, c'était en date d'hier. Alors, voilà, t'as des nouvelles que moi, je n'ai pas. Mais, visiblement... C'est parce qu'il y avait la photo de mémoire, là, il y avait la photo de Louis-José Houde dans la section, justement, collaborateur vedette spécial. OK. Ben, voilà. Alors, on annonce en grande pompe et sous toute réserve que Louis-José Houde fait maintenant partie de l'univers de La Presse. Photo. Je ne veux pas créer de faux espoirs. Là. Mais non, toutes les fans vont se ruer en folie devant chez eux. Mais visuellement, ça ressemble beaucoup plus à un magazine qu'à un journal. En fait, ça nous fait beaucoup penser à l'édition du samedi de La Presse. Donc, on retrouve, comme je disais tantôt, des dossiers. C'est le fun de pouvoir fouiller les sujets. Et l'interface est hyper conviviale. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à Flipboard, si les gens connaissent Flipboard. Qui était une espèce d'agrégateur de différents liens Facebook, Twitter et magazines. Ça ressemble visuellement à ça. Mais est-ce que l'application est parfaite pour autant? Malheureusement, à mon avis, non. C'est très, très beau et vraiment, je félicite La Presse d'avoir pris les risques. Mais c'est assez novateur parce qu'au Québec, bon, personne n'a osé s'en aller dans cette direction-là. Non, ce sont les premiers. Même à l'échelle internationale, est-ce qu'on a des médias qui se sont lancés dans une plateforme aussi élaborée? Mais il y avait eu le Daily qui avait fait ça. Oui, le Daily qui était uniquement web. Mais qui a fait faillite, malheureusement, qui a fermé les portes et qui était payant. Alors, le gros, gros avantage de La Presse Plus, c'est que la version est complètement gratuite. Ce sont des publicités qui vont payer la plateforme en fait en 40 millions. J'imagine que ça va prendre une couple d'années. Peut-être qu'ils misent aussi sur le facteur un petit peu, le facteur cyberpresse, comme quoi cyberpresse au début, c'était pas payant. La plateforme était déficitaire, mais maintenant, ils font de l'argent avec cyberpresse. Donc, ce que je déplore, c'est que l'environnement de l'application est malheureusement fermé parce que justement, on s'adresse seulement à ceux qui ont des iPads. Par exemple, si moi, je veux partager un lien dans l'application, bon, mais la fonction de partage fonctionne, je peux envoyer ce lien-là sur Facebook, sur Twitter ou par courriel. Mais si toi, tu ne possèdes pas de iPad, ben voilà, ce que tu reçois, c'est une capture d'écran de l'article qui t'invite à aller visionner l'article sur une plateforme que tu peux. Donc, tu ne peux pas y accéder via ton ordinateur sur une plateforme web. Tu ne peux pas y accéder à partir d'une tablette. Donc, je vais voir sur mon ordinateur, par exemple, ton lien passé. Mais en cliquant sous forme dessus, de capture d'écran. Je pourrais pas le lire, donc je vais devoir transférer la plateforme. En fait, il te dirige sur un autre site de La Presse, comme un petit peu comme un raccourcisseur d'adresse URL. Ça te dirige ailleurs avec une capture d'écran sur « voilà le contenu que je viens de partager ». Ce qui est un petit peu quand même bizarre. C'est un peu agace. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est peut-être pour faire vendre des iPads, ouais, on s'entend. Ça. Une autre chose aussi que je déplore, c'est qu'on la télécharge le matin et le contenu n'est pas mis à jour. Donc, hormis une zone qui est réservée à l'actualité, la tablette ne se synchronise pas. Donc, on reçoit le matin le magazine, le journal dans sa totalité. Ouais. Et le contenu qui est mis à jour, comme par exemple si la nouvelle change ou s'il y a une erreur, ben c'est pas synchronisé. Donc, à part une section, en fait, la section actualité, c'est une section équivalente à Cyberpresse qui devient comme une couche supérieure au journal qu'on est en train de lire. Donc, malheureusement, comme ça. C'est un peu comme la version papier, finalement. S'il y a eu, je pense, entre autres, cette semaine, on l'a vécu avec Boston. On nous disait dans le journal le matin, 3 morts, 160 blessés. Puis finalement, quand je lisais les sites web durant l'émission, on était rendu à 180 blessés. Puis... Voilà, exactement. Donc, si on veut sortir la nouvelle, ben, on est obligé d'attendre au lendemain pour sortir la mise à jour de cette actualité-là. Mmh. Ce qui est un petit peu étrange pour un journal, mais si on considère que la presse se dirige vraiment plus vers le magazine, ça a sa raison d'être. Mais c'est justement, on se ramasse avec 3-4 plateformes maintenant, que ce soit Cyberpresse, la presse, la version papier. On n'est pas trop sûr à qui ça s'adresse non plus. Moi, j'ai l'impression, justement, parce que c'est pas tout le monde qui a des iPads, c'est peut-être un public un petit peu plus âgé. Alors, on verra bien où ça se dirige. Mais quand même, bravo à la presse qui, au lieu d'attendre que les gens prennent une décision ou prennent une voie, ben, trace elle-même sa propre voie et encourage les autres à suivre. C'est une plateforme novatrice qui, évidemment, sera appelée à évoluer là, dans les prochains mois. Ben, c'est ce que je pense, c'est sûr et certain. Je t'invite à rester avec nous, Patrick. On aura un autre sujet au retour de ceci. Vous écoutez CIBL 101.5 Montréal. Il est 8h32, de retour aux Oranges Pressées avec Patrick Dion, chroniqueur web, et on va parler très rapidement, Patrick, de l'ONF qui lance le deuxième volet de son journal d'une insomnie collective. Oui, absolument. Après 8 mois d'attente, j'avais tellement hâte que la deuxième partie sorte. C'est aujourd'hui que ça se passe, donc on peut aller visiter la deuxième phase de la plateforme journal d'une insomnie collective et prendre rendez-vous avec un insomniaque pour plus de détails sur nos nuits d'enfer. Et autre sujet en terminant, nomination au Webby's Award du Guide Unique. C'est un site web que je ne connaissais pas, très honnêtement. Ouais, ben en fait, c'est malheureusement peu connu. Ce sont des guides touristiques qui se basent sur des attraits particuliers d'une ville, comme les restaurants, les bars. Il y a 7 ou 8 villes sur le site. Mais en fait, la belle nouvelle, c'est que ce site-là se retrouve en liste aux côtés de National Geographic Travel, de Kayak, au Webby Awards, qui est l'équivalent des Oscars pour le web. Alors, allez voter. Ça fait partie du People's Choice Award. On va mettre le site en lien. Allez voter pour Urbania. Bravo. Allez voir ça donc sur notre site web des Oranges Pressées. En fait, sur la page Facebook des Oranges Pressées. C'est un très beau site, très bien fait. Vraiment magnifique, tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Patrick. Hey, merci à vous autres.